Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Manche Disque, épisode 4. Je suis Jules-Louise et je suis accompagné aujourd'hui de mon comparse Murdoch. Comment vas-tu, Murdoch ? Ah bah écoute, ça va très bien. On est dans une petite soirée tranquille d'enregistrement, on est bien. On va parler un peu musique, ce qu'on aime bien faire, donc ça va bien se passer. Alors, avant d'aborder la sélection du mois, je crois que tu avais une petite interrogation, une petite idée d'édito à lancer, ouais. Donc je t'écoute et je te suis. Alors surtout, oui, ce qui m'avait surtout étonné dans ta sélection, c'est le côté un petit peu éclectique, on va dire, des choix. Et je me suis dit, où est-ce que Wiz va trouver tous ces artistes, et surtout compte tenu de la discothèque que tu as. Je me suis dit, effectivement, où est-ce que tu vas piocher, où est-ce que tu vas découvrir tous ces disques que tu as. Donc c'était ça ma grande question du jour. Alors ça a pu varier en fait avec les années. Par exemple, quand j'étais beaucoup plus petit, j'étais à la discothèque de ma ville et je partais avec 4-5 disques sous le bras toutes les semaines. Alors, il y avait des trucs que je connaissais, puis des trucs que je prenais parce que je trouvais la pochette marrante, des trucs que je prenais parce que la fille qui gérait la discothèque s'était devenue un petit peu une copine. Alors, elle me disait, tiens, il y a ça, c'est bien, faut écouter ci, faut écouter ça. Ça a été une source de découverte assez importante, je dois dire, à l'époque, il y a fort longtemps. Maintenant, le gros truc qui joue, ça reste quand même Deezer, hein, je dois dire. C'est pas façon de faire de la pub, mais c'est un peu le site que j'attendais. Parce que quand on a commencé à faire les premières plateformes de téléchargement de MP3, il y a maintenant quand même pareil aussi un paquet d'années. Ouais, une petite vingtaine, ouais. J'étais absolument désespéré parce que tout ce qu'on trouvait, c'était toujours globalement le dernier Madonna, le dernier To Be Tree. C'était le gros catalogue des maisons de disques. Voilà. C'était des trucs extrêmement bateaux et globalement que les trucs qui m'intéressaient pas. Alors que maintenant, la manière dont ça a relativement bien évolué, ça a quand même de la musique d'à peu près tous les pays, de tous styles musicaux confondus. Il n'y en a quand même pas beaucoup qui ne sont pas distribués dedans, en fait. Moi, le seul point que je reproche un petit peu, c'est que ça fonctionne par style. Mais c'est le gros intérêt aussi, c'est que tu peux sauter d'un artiste à un autre. Et comme tu disais, il y a des artistes qui sont perdus au fin fond de n'importe quel pays. Et ils vont être sur Deezer parce qu'ils sont sur la plateforme de distribution. Et donc, un truc que tu n'aurais jamais découvert, même en médiathèque, tu peux quand même l'avoir au fond des cajamelles. Donc, c'est pas mal. Donc, tu as Deezer, puis tu as YouTube aussi, mine de rien, parce que ça permet aussi de naviguer, même si j'aime moins l'interface, j'aime moins le truc. Mm-hmm. Ça permet de découvrir quand même aussi pas mal de choses avec les petites suggestions sur le côté, quoi. Mm-hmm. Ouais, c'est vrai que c'est pas faux. Alors, il y a ça, il y a... Je continue à avoir grand plaisir à me paumer dans les disquaires et à y passer 6 mois. Faut avoir le temps pour ça, mais... C'est vrai, mais... par exemple, dans la sélection du jour, il y a un disque que j'ai découvert sur Deezer, enfin même un artiste que j'ai découvert sur Deezer, il y a un disque et un artiste que j'ai découvert en magasin. Mm-hmm. Voilà, que je connaissais pas avant, et puis je suis reparti avec le disque. Voilà, surtout qu'il y a des fois, je prends même des trucs au pif. Il y avait même une époque, alors là, je te dis ça, c'était dans les années 90, donc ça remonte un peu, où sur ma petite cagnotte d'argent de poche qui ne servait qu'à acheter des disques, il y en avait systématiquement au moins un par mois que j'achetais uniquement sur la pochette. D'accord. C'était le principe. Tu te plaçais déjà des petits défis. Ouais. Il y en aura un à la pochette. Et en fait, ça m'a jamais attiré de mauvaise surprise, bizarrement. Ouais, parce que tu t'attends à une belle pochette, tu l'as déjà, donc... Vraiment, sur le contenu, j'ai jamais été déçu. Ouais, c'est clair. Genre, c'est comme ça que j'ai découvert Blur. Avec quel album de Blur ? Le premier. Je trouvais la pochette fandard. Je trouvais les pochettes des 2-3 singles qui étaient sortis à l'époque sympas aussi. Donc, je me suis dit, tiens, allez, on va prendre celui-là, on va voir ce que ça donne. Et j'ai pas été déçu avec cet exercice-là. Je l'avais plus en tête, la pochette de Leisure, et effectivement, elle est très belle, très originale. Donc voilà, après, il y a aussi, de temps en temps, il y a des amis qui font des suggestions de « Tiens, tu pourrais peut-être écouter ça, ça va te dire quelque chose. » Ça me rappelle quelqu'un. Voilà, grosso merdo, et toi ? Alors, moi, je te rejoins énormément sur la partie médiathèque, parce que moi, j'ai commencé à traîner les médiathèques, que je te dise pas de bêtises, je vais avoir 19 ans. Et vu que j'ai fait pas mal après mes études, on va dire, sur la région parisienne, donc pas nécessairement dans ma ville natale, c'était ça en fait. J'allais à la médiathèque avec mon batteur de l'époque, on avait chacun notre carte, et on repartait, je crois qu'on était maxi 6 CD et 3 BD. Et donc on faisait le plein tous les samedis pour la semaine. Et donc le dimanche, c'était on bouquinait les BD, on s'écoutait les disques et on se les passait. Et c'était vraiment ça le gros intérêt de la médiathèque, à tel point que je continue à y aller dans la médiathèque de ma ville toujours. Et ça rejoint un peu ton côté disquaire, dans le sens où moi ce que j'aime bien c'est ça, c'est tu tires le tiroir de la médiathèque, tu feuillettes, donc il y a des trucs que tu connais que t'as pas et tu dis bon bah tiens je vais le prendre. Et ça permet aussi de partir à la pochette quoi, partir complètement à l'aveugle et ça gratos. Donc c'est vraiment sympa. Sur ce point-là, je te rejoins totalement. Après, je dirais la base, j'ai l'impression que c'est quand même la manière dont tu as été baigné dans la musique vraiment dans tes toutes premières années. Mmh. Donc globalement, je pense que tu es quand même vachement façonné par ce que tes parents écoutaient. Oui, on l'est tous hein, sur beaucoup d'aspects. Hein. En l'occurrence, enfin, moi, le fait de regarder un petit peu dans toutes les directions, ça me vient clairement de ma mère. Mmh. À une époque, il y a très longtemps, elle achetait vraiment beaucoup de disques. Et c'était à chaque fois des trucs qui partaient dans toutes les directions. Un coup, elle allait me rapporter un truc de musique brésilienne. Mmh. La fois d'après, c'était nouveau JJ Cale. Enfin bon, c'était jamais la même chose, quoi. Donc, c'était toujours très passionnant de voir ce qu'elle pouvait écouter de différent, quoi. Ouais. Donc ça, j'avoue que c'est un truc qui m'est resté. Mmh. Une autre source de découverte, c'est des émissions de radio, ça se fait toujours. Bon, le gros intérêt maintenant, c'est de pouvoir les récupérer en podcast. Et donc, j'ai 2-3 exemples qui sont intéressants. Il y a notamment Rebecca Manzoni qui fait une chronique tous les matins sur France Inter. C'est là que j'ai découvert donc un album dont on parlera un petit peu plus tard. Donc ça, c'est pareil, elle chronique des disques actuels. Il y a toujours un petit thème cinéma, un petit thème dans la semaine sur des morceaux un peu plus anciens. Donc c'est une chronique qui passe le matin sur France Inter. Il y a aussi Alain Pilot qui officie, lui, sur Radio France Internationale. Alors là, par contre, le spectre musical est très très large. Donc ça va de la chanson française traditionnelle à tout ce qui est world music. Donc c'est pour la découverte de nouveaux artistes de tous horizons, jazz, world, variété française. C'est vraiment bien. Le gros intérêt, c'est que les artistes, ils ont vraiment le temps, d'une part, de s'exprimer en interview. Et il y a toujours une petite session live qui va bien. Donc ça permet vraiment une bonne découverte de l'artiste et des morceaux. Et donc le dernier podcast ou dernière émission de radio, elle est sur FIP, elle est sur donc France Inter Paris. C'est pas vrai, tu sais que je ne savais pas que ça voulait dire ça. Si, il me semble bien que c'est ça. Alors, je te fais confiance. Hein. Ouais, non, mais je vais même pas vérifier, hein, mais il me semble que c'est ça. Et donc oui, cette émission, ça passe tous les jeudis, ça s'appelle Live à FIP, et comme le nom l'indique, c'est des concerts. Et alors là, pareil, le spectre est super large. Et le gros intérêt, c'est que ils vont te ressortir des très très vieux concerts. J'ai en tête notamment récemment, donc ça date d'il y a peut-être 2 ou 3 mois, ils ont ressorti un live d'Hendrix de 1969 et c'était génial parce que justement on retrouve quasiment 50 ans plus tard, tu retrouves un enregistrement live que t'écoutes en podcast tranquille. Moi ça m'a vraiment plu et dans l'approche c'est vraiment intéressant puisque justement il y a du papillonnage en termes de génération puisqu'il va y avoir de toutes les années qui vont passer sur le live et aussi un spectre hyper large en termes de styles musicaux. Ils vont passer en ouverture de saison, ils ont passé un concert de radio. Radiohead donc avait été enregistré 3 ou 4 mois précédemment, donc c'est vraiment intéressant pour cet aspect-là. J'ajoute quand même effectivement le fait de parler radio et tout, donc ça n'a rien à voir puisque je vais parler télé, mais il y a Trax sur Arte aussi. Oui, Trax, ouais. Il y a plein de trucs. Pour le coup, Yellow, dont on avait parlé dans une précédente émission, il me semble que c'était sur Trax que je les avais découverts. Que t'avais pioché. Ouais. Mm-hmm. Bon, il y a toujours des choses qui sont beaucoup trop barrées pour mes oreilles, mais dans l'eau, il y a toujours des trucs intéressants à piocher. Mm-hmm. Alors, les émissions musicales sont plus tellement légion. Non. Donc voilà, c'est suffisamment rare pour s'en réjouir. Je vais parler quand même d'une dernière émission qui, elle, malheureusement, a disparu, mais que j'ai énormément écoutée. C'est l'école des fans. Non, ça, je l'ai beaucoup regardé, mais non, c'était une émission toujours à la radio, qui était, elle, sur France Inter. Et ça me fait vraiment plaisir d'en parler, parce que ça m'a accompagné vraiment très très longtemps. C'est l'émission que présentait Bernard Lenoir, donc l'Inrecuptible, avec notamment des Black Sessions, qui était un petit peu calqué sur ce que faisait John Peel à la BBC. C'est une émission qui a disparu en 2011, et ce que faisait Bernard Lenoir, c'était vraiment bien. Il poussait les jeunes talents de la chanson française. Les premiers concerts de groupes qui sont devenus mythiques, ils les ont fait chez lui, hein. Il y a Muse qui est passé en Black Session avant d'exploser, il y a eu Oasis, Blur, les Smashing Pumpkins en 93, Radiohead, pareil. C'était vraiment une émission que j'adorais et voilà, je voulais juste passer un petit mot sur cette émission. D'accord. On passe aux sélections ? Passons aux sélections. Voilà, c'est parti. Je t'écoute, c'est toi qui ouvres le bal aussi pour le coup. Oui, alors on va parler d'un titre, je pense que vous l'avez tous entendu au mariage X ou Y, c'est la salsa du démon du Grand Orchestre du Splendide. Donc c'était la salsa du démon du Grand Orchestre du Splendide avec la petite particularité d'être un enregistrement en public qui date de 1980. Donc c'est un vinyle que j'ai trouvé, alors pas en brocante mais en achetant un autre disque sur Discogs. Je l'ai payé 3 francs 6 sous et je l'ai acheté vraiment pour compléter et pour en gros mutualiser les frais de port on va dire. D'accord, c'est pour caler une armoire normande à l'origine. À l'origine, c'était un peu ça. Mais alors, le Grand Orchestre du Splendide, moi, j'ai connu quand j'étais tout môme avec Radio Pirate, le single que j'avais, le 45 tours. Et là, je me suis dit, bon, moi, tiens, je vais m'acheter ça, c'est pas trop cher, et je vais jeter une oreille. Et franchement, j'ai adoré, dans le sens où, au niveau ambiance de la salle, j'ai trouvé que c'était vraiment chouette. On retrouvait vraiment le côté café-théâtre que donnait ce genre de formation, puisque c'était, on va dire, en style musical, bah, ça reste un big band, on va dire. Ah, complètement. Par contre, ça touche à tous les styles, il y a de la reprise, tiens, tiens, tiens. Donc des titres de standards des années 30-40. Il y a aussi évidemment donc Macao et la salsa du démon, donc les deux gros morceaux qui les ont fait connaître partout. Ça m'a vraiment plu parce que ça oscille entre jazz, swing, années folles, et ça remontre quand même l'insouciance qu'il y avait à cette époque, qui était quand même très libérée. Ouais, bon voilà, la pochette du disque elle est quand même assez mythique, dans le sens où t'as un mec déguisé en diable avec sa petite queue fourchue et avec une grappe de raisin pour cacher ce qu'il y a à cacher. Et c'était dans les années 80 et tu te dis faire ça maintenant je pense que ça passerait plus quoi, là c'était fun. Et voilà, ce disque, moi, je l'ai vraiment bien apprécié, même si c'était pour caler un meuble. Alors moi, j'aime beaucoup, j'avais pas écouté le disque, j'ai le 45 tours de Macao, je dois avoir le 45 tours de la salsa du démon qui traîne quelque part naturellement. Je connaissais, tiens, tiens, tiens, je connaissais Carotte Bouillie, enfin, je connaissais presque tout. Je connaissais Jazz Volant surtout. Ouais. Ça m'a fait plaisir de le réentendre, parce que j'avais pas réentendu la chanson depuis super longtemps. Et en fait, c'est un petit souvenir personnel. Mon père faisait une variante de cette chanson-là. Mm-hmm. On avait une chienne qui était croisé labrador dalmatien à l'époque qui ne pesait pas lourd et il la portait, il la faisait voler en l'air et il chantait chien volant, c'est excitant. D'accord. Ça me fait beaucoup rigoler. Sinon, moi ça m'a vraiment bien bien plu. Le seul truc à la limite que j'ai à dire qui va vraiment pas sur ce disque, c'est quand même, les gars, faire un album live qui dure 32 minutes, ouais, ça n'est pas drôle. Ouais. Non, c'est petit en durée, quoi, mais... Il y a du contenu, mais je trouve ça triste de faire encore plus pour un album live, quoi, de faire quelque chose d'aussi court. De court, ouais. Je sais pas d'ailleurs s'il y a des enregistrements, des spectacles qui pouvaient être faits à l'époque, c'est des captations. J'ai même mieux, oh. Puisqu'ils fêtent leur 40 ans de carrière, je crois. Ouais. Et donc, ils passent à l'Olympia au mois de mars, donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil, vous pouvez y aller. Hein. Donc oui, ils tournent toujours. Hein, donc si... Bah ça, j'avais vu, mais c'est vrai que ça m'amuserait de voir la tête que ça avait à l'époque, quoi. Le concept a peut-être évolué, je sais pas si c'est toujours les mêmes têtes. Alors il y a beaucoup de mêmes têtes. Hein. De ce que j'ai vu au niveau des photos, je crois qu'il y a toujours les piliers, on va dire. D'accord, toujours les fils à Jean-Marc Thibault. Oui, d'accord. C'est ça. Bah écoute, non, c'est bien. J'ai passé 32 minutes, enfin plusieurs fois, parce que je l'ai réécouté plusieurs fois pour le coup, fort plaisante. Ok, donc on va passer à ta première sélection. Yes, alors... Qu'est-ce que t'as choisi ? Yes, d'ailleurs c'est le mot, c'est drôle. J'ai sélectionné le premier disque d'un groupe qui s'appelle... Asia, ou Asia si on préfère. Mm-hmm. J'ai hésité très très longtemps sur le titre et en fait, bon, c'est pas grave, on va prendre Hit of the Moment et puis voilà. I never meant to be so bad to you. One thing I said that I would never do. One thing led to another. We were young and we would scream together. Songs unsung. It was the heat of the moment. Telling me what my heart meant. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Egea, c'est ce qu'on appelle, je sais pas s'il y en a encore beaucoup maintenant, mais ce qu'on appelait à l'époque un super groupe. Je te donnerai un exemple de super groupe après. Ah bah c'est formidable. Dans le sens, pour ceux qui connaissaient pas le truc, où en fait on prenait des personnalités de groupes qui étaient déjà constitués et successful, on va dire. Donc pour le coup, Egea, c'est Geoff Downes, qui était chez les Buggles et chez Yes. Steve Howe, qui vient de Yes aussi. Carl Palmer, qui vient de Emerson, Lake & Palmer, et John Wetton, qui était chez King Crimson et chez Roxy Music. Je regardais la pochette. Gros line-up. Voilà, donc on a du beau monde, et on a même le cinquième membre, pour le coup, avec Roger Dean, qui fait la pochette, comme la majorité des splendides pochettes de Yes. En termes de musique, c'est globalement ce qu'on appelle à l'époque de l'arena rock, à peu de choses près. On sent que les gens qui composent le groupe viennent tous du prog. Oui. Ça se sent quand même à mort, ouais. Mais après moi j'adore la prog, donc voilà, je trouve que c'est ultra péchu, que ça rend bien. Bon, il y a certains petits sons de synthé qui sont parfois un peu, on se dit, ah c'est les années 80 quand même, bon. Oui. Mais je trouve que c'est vachement efficace, ça a quand même été en première place des charts américains 9 semaines. Ça m'étonne pas. ça a été élu album de l'année, donc en 82 par Billboard, donc voilà, ça a plutôt bien marché, et vraiment la pochette est aussi très très très jolie. Ouais. C'est ce que j'avais à dire dessus. Bah alors moi sur ce disque là, donc Heat of the Moment, le titre que t'as choisi est bon. Moi j'ai vraiment bien aimé ce morceau. Et j'en reviens effectivement au synthé dont tu parlais, parce que il y a Only Time Will Tell. À l'intro. L'intro, je me suis dit mais putain, c'est Gold, ils leur ont tout piqué quoi. Les mecs sont arrivés derrière, ils ont dit waouh, ton son il est trop bien, je veux le même. Et c'est vraiment l'impression que j'ai eue quoi. Ça et Europe. Hein. Oui, ça et Europe, exactement. Alors après, d'un point de vue global, j'ai trouvé que c'était un peu trop formaté pour vraiment rentrer à fond dedans pour moi. Mais j'ai trouvé que c'était, comme tu l'avais signalé, un bon pont entre le rock progressif et le grand public. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais été très attiré par le rock progressif, mais là j'ai trouvé qu'il y avait un côté un petit peu plus facile d'accès pour moi. Et donc au bout du compte, ça m'a bien plu quand même. Et donc, pour parler du supergroupe... Oui, dis-moi. Le supergroupe que j'avais en tête, donc c'est Atom for Peace. Je ne sais pas si tu connais. Ah non. C'est donc Tom York, chanteur de Radiohead, donc avec Flea, le bassiste des Red Hot, Nigel Godrich, qui est aussi producteur de Radiohead, qui est au clavier synthé guitare, Joey Waronker à la batterie, donc qui est aussi connu pour avoir travaillé avec Beck, et il a terminé aussi chez REM quand ils ont continué suite au départ de leur batteur, et Mauro Refosco qui est un peu moins connu au percu. Mais au niveau chant et basse et batterie et clavier, ouais, c'est comme super groupe, c'était pas mal. Ah donc ouais. Je savais pas que ça se faisait encore, pour moi c'était ça vraiment le concept tellement années 70. Le dernier dont j'avais connaissance, c'est un groupe qui s'appelle les Traveling Wilburys, dans lequel on trouve George Harrison, un certain Robert Zimmerman, Roy Orbison, Tom Petty et Jeff Lynne. Et Ray Cooper, mais je ne sais pas qui c'est. Ouais, dans les super groupes, toujours qu'il y a un mec que tu connais moins que les autres. Hein. Je ne sais pas qui est ce monsieur. Et là, Discog me dit Internal Server Error, donc c'est tout quand même. Donc... Discog est mort. Non, au secours, non. Non, ils veulent plus. Alors, à propos de rock, pour le coup, il me semble que tu as un truc aussi, toi, de ton côté. Aïe, aïe, aïe. Oui. Personnellement, je ne pouvais pas parler musique longtemps sans en arriver aux Ramones. Donc le gros problème des Ramones, c'est qu'ils ont fait un très très gros début de carrière et que j'ai eu énormément de mal à trouver un disque des années 80 donc qui me plaisait au point d'en parler longuement. Et j'ai quand même choisi Pleasant Dreams, donc qui date de 81, tout début des années 80, donc avec le titre The KKK Took My Baby Away. She went away for the holidays, says she's going to LA, but she never got back. She never got there, she never got there, they say, yeah. She went away for the holidays, says she's going to LA. But she never got there, she never got there, she never got there, they say, yeah. The KKK took my baby away, they took her away, away from me. The KKK took my baby away, they took her away, away from me. Donc c'était The KKK Took My Baby Away, donc une chanson des Ramones. Je sais pas si tu connais déjà. Alors, je connais un tout petit peu. Je dois avoir une compile quelque part qui traîne. J'avais même mis un morceau des Ramones sur ma mixtape de Noël 2015. Ouais. Donc, je connais vraiment un tout petit peu, mais tu en parleras mieux que moi. Oh, mieux que toi, je sais pas, mais moi, c'est un groupe. J'y suis arrivé parce que beaucoup de groupes que j'écoutais dans mon adolescence, dans les années 90, citaient toujours les Ramones en référence, en influence, etc. etc. Donc, forcément, je suis allé jeter une oreille. Les Ramones, c'était quatre mecs qui savaient, entre guillemets, pas jouer. Qui faisait des concerts, mais c'était bourré d'énergie, c'était le tout début du punk rock et ça a été l'étincelle pour énormément de groupes. Et donc les premiers albums, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment toute l'essence du punk rock sans en avoir tous les travers qu'il y a pu avoir, notamment commerciaux par la suite. Et donc cet album là, il est singulier dans le sens où voilà, c'est le sixième album. Et le gros problème que rencontrent les Ramones, c'est que quoi qu'ils fassent, ça perce pas. C'est-à-dire au début, c'était punk rock. Bon, ils ont eu leur petit succès, ça perçait pas. Ils ont été faire produire leur cinquième album par Phil Spector, donc qui est quand même un gros gros producteur américain, mur du son, Beatles, etc., etc., qui leur a fait un album, entre guillemets, aux petits oignons, ça perce pas. Et donc, sur ce sixième album, ils se sont dit, on va essayer de mettre un petit peu d'eau dans notre vin, on va édulcorer un petit peu l'histoire, et ça va pas percer non plus. Donc c'est quand même un groupe qui a eu pas mal de malchance. Bon, après, faut voir qu'ils ont un peu joué avec le feu, et notamment avec des substances un petit peu illicites et beaucoup d'excès, donc ça aide pas pour avancer et faire des choses entre guillemets propres. Mais à réécouter, on va dire, avec 30-40 ans de recul, ça reste une fraîcheur énorme. Je vous invite tous à aller voir une petite vidéo des Ramones au CBGB. Il vous manque l'odeur des Converse qui puent, mais c'est tout ce qui manque, quoi. Après, je sais pas ce que t'en penses, parce que je pense que ça a dû te faire un petit peu mal aux oreilles. Sur ce disque-là en particulier, bah fatalement, je dis Ramone, donc Ramone égale punk, donc je vais me taper du punk. Et puis en fait, c'est plus pop-punk, on va dire. Des fois, c'est même limite surf-rock sur les bords. C'est exactement ça. Ouais. Et ce qui m'éclate, et c'est ce qu'on a tendance à zapper dans pas mal de productions comme ça, c'est que en fait, c'est vachement mélodieux. Mmh. Et c'est important la mélodie, mine de rien. Donc c'est quand même très mélodieux et c'est pas massacré. Alors la production doit se vouloir un petit peu plus mainstream, j'imagine, sur ce disque. Donc on sent quand même mieux qu'il y a une vraie construction des chansons et tout. Et je trouve que l'album il passe bien, quoi. Vraiment, ça m'a bien plu. C'est pas que du bruit. Et puis bon, c'est pas un truc que t'écoutes avec des boules caisses non plus, quoi. Ça te vrille pas la tête. Non. C'est non, pas Pantera, non. Quoi. Donc. C'est ça. Naturellement, il est, je pense, évident que ça sera plutôt cette partie de leur carrière qui va me correspondre davantage. Mais voilà. Non, ça a été bien. Bon, content. Ah bah, il faut. On va passer à ta deuxième sélection, alors ? Yes. Donc, c'est un petit clin d'œil à deux programmes. Le premier, c'est le podcast Retour vers le futur. Et la préparation d'un manche-disque qu'on avait prévu de faire avec Mikado Twix sur les OST, qu'on n'a pas oublié, mais qu'on décale un tout petit peu dans le temps. En fait, ce disque que j'ai choisi, c'est une bande originale, la bande originale de Bright Light, Big City, qui est un film de 1988 avec Michael J. Fox. Alors, j'ai pris comme extrait le titre qui ouvre l'album, qui est un titre de Prince, qui s'appelle Good Love. Petit clin d'œil au podcast, parce qu'en fait, bah, ce film, avant la préparation du podcast, je ne l'avais jamais vu. Donc j'ai découvert le film il y a quelque chose comme un mois et demi, donc c'était tout neuf. Et il y a 3 semaines, j'étais en vadrouille à Stockholm et j'étais dans un disquaire qui faisait 50% sur tout son stock. C'est dommage, j'avais quasiment pas un rond sur moi, mais bon. Dans lequel, pour le coup, j'ai trouvé la BO de ce film. ça m'avait relativement attiré l'oreille déjà quand j'avais regardé au visionnage du film. Pour le coup, au même endroit, j'ai trouvé le disque que j'ai sélectionné ensuite, et j'ai même trouvé un très bel exemplaire du disque des Prefab Sprouts que tu as chroniqué il y a deux numéros. Alors que la musique originale du film est signée par Donald Fagen, il y a juste la chanson du générique qu'il a composée qui est sur le disque. Tout le reste, c'est, on va dire, un petit peu à l'image de la thématique du film, c'est la vie, la nuit. Un petit rail et c'est reparti. Donc c'est très péchu, c'est groovy, c'est funky, c'est électro. Je trouve que ça fit bien la pêche et c'est vraiment des bons titres de bout en bout. Et moi, ça m'a vraiment bien éclaté. À noter que le titre de Prince, c'est pour le coup même un inédit qui a été fait exprès pour la BO. Moi, j'ai vu qu'il y avait un beau New Order et un beau Depeche Mode. Il y a même le pump-up de volume de Mars hein, qui dépareille pas à la fin du disque. Enfin, vraiment, c'est une bonne BO qui m'a bien éclaté, que j'écoute pour le coup en ce moment pas mal, parce que ça réveille bien quand on a mal dormi. Ouais, c'est ça. En fait, quand j'ai vu le tracklisting pour une BO, je me suis dit, ouais, ça promet. Et effectivement, il y a des bons morceaux. Après, tout m'a pas parlé, notamment le Brian Ferry, je l'ai trouvé un petit peu mou. Mais sinon, le reste, c'est bien. Moi, j'ai pas vu le film, hein, mais quand tu me parles de l'ambiance du film, les morceaux, je pense qu'ils devaient bien coller dedans, quoi. Notamment le Pump Up the Volume, ça passe partout. Dès qu'il y a un petit peu de pêche à mettre. Ouais, ce qui est entre guillemets dommage par rapport au film, c'est qu'il y a quand même toute une partie instrumentale, donc qui a été fait par Donald Fagen, qui est pour le coup beaucoup plus jazz. Ouais. Ça aurait peut-être casser la structure de l'album, mais je pense que ça aurait mérité qu'il y ait une plage avec quelques thèmes. Ouais, pour montrer un peu. Le film, ça se passe pas qu'en boîte. Mmh. Là, on a l'impression qu'on a quelque chose qui est quand même vachement dur, très... voilà, cuiré latex. Oh non, c'est pas très cuiré latex. Non, j'exagère un peu. T'exagères toujours un peu. Hein. Complètement. Mais le film est beaucoup plus en demi-teinte que ça, quoi. Voilà, il y a la nuit et puis il y a le jour aussi. Ouais. C'est profond et tout. Et il manque un petit peu la... L'autre phase de la pièce. Ouais. Ça aurait pas perdu. Pour le coup, c'est quand même un disque qui fait quasiment 50 minutes. Le vinyle était bien rempli. Ouais, ça vaudrait le coup de faire une petite sortie double avec à la fois la BO et... Et puis la musique. Et la musique, ouais, voilà, c'est ça. Ça aurait pu. Donc, c'est un film que je conseille et une BO que je conseille aussi. On va passer à autre chose. Alors, on va passer au VRP, donc avec leur premier album qui s'appelle Remords et Triste Paix, qui date de 1989. Et on va s'écouter justement le titre VRP. Je m'appelle Fabrice. Et moi, c'est Stéphane. Mon petit nom, c'est Marc. Et le mien, Gilbert. Le meilleur copain de Gilbert, c'est Marc. L'ami de Fabrice, c'est lui, c'est Stéphane. Mon copain Gilbert est un gars très chic. Mon ami Stéphane est bien sympathique. Oh, je t'en prie, Fabrice, arrêtez boniment. Excusez Stéphane et le représentant. Fais comme ça, Gilbert travaille avec Fabrice. Ils sont collègues de bureau et tout se passe bien. Il arrive que Marc bosse avec Stéphane dans la folie du travail, faction de bataille. VRP, les vendeurs représentants d'acier. VRP, voyageurs sans répit qui font du porte-à-porte. Donc c'était les VRP avec le morceau qui s'appelle VRP. C'est original. Hein. C'est très original. Ce qui est le plus intéressant, c'est j'ai failli le choisir en extrait, c'est la reprise d'Alexandrie Alexandra, parce que ça me fait toujours autant marrer avec le piano jouet derrière et surtout l'ouverture du morceau qui démarre justement par la présentation des obsèques de Claude François par Roger Gickel, et je me suis dit mais oh là là les mecs. Faut oser. Bon, c'est du second degré pur jus, mais bon, il y a quand même... Ouais, sauf qu'effectivement, tu as une espèce de premier effet qui se coule avec justement le journal de TF1, et puis tu dis, bon, ben voilà, ils vont descendre le truc. Enfin, si tu n'écoutes que ça, si tu n'écoutes pas le reste du disque, tu te dis, c'est du clo-clo bashing, et puis en fait, dès que ça commence, en fait, non. Moi, je trouve que là, c'est un bel hommage d'une certaine manière. Oui, c'est peut-être pas des fans de Clo-Clo, mais disons que je ne prends pas ça comme de la méchanceté gratuite. Hein. Je pense plus ça va s'amuser à reprendre à notre sauce une bonne chanson. Ouais, c'est ça. Ce qu'il y a aussi, c'est il y a quand même un petit peu le même aspect que ce que j'avais noté sur Les Négresses Vertes, où il y a quand même des thèmes un petit peu moins légers qui sont abordés, hein, notamment Mardi Gras qui raconte une soirée de Mardi Gras qui est complètement plan-plan, où tout le monde se fait chier un petit peu. Il y a aussi Le Roi de la Route, hein, qui parle de la violence routière qu'on vit toujours actuellement. Donc voilà, c'est un petit peu cet aspect-là moi que j'aime bien retrouver dans les VRP. Hein. C'est la déconne, mais il y a toujours un petit arrière-goût derrière, même dans Je n'en peux plus, une chanson chanson où c'est un mec qui trompe sa femme et il voudrait bien lui dire mais il sait pas comment lui dire. Sous l'air d'une chanson rigolote, il y a quand même une petite souffrance quoi. Donc c'est un peu ça que j'aime bien aussi dans les VRP. J'ai vu sur Wikipédia, enfin t'avais une espèce de formule qui disait globalement que c'était en substance un mélange punk de Bobby Lapointe et des frères Jacques. C'est tout à fait ça. Et c'est exactement ça quoi. Donc moi je me suis éclaté. J'adore tout particulièrement le nain. Oui, j'ai hésité à le mettre, mais ça passe pas. Oh, tu aurais pu. Non, je peux pas. Il y a des enfants qui écoutent. Et Mardi Gras. Oui, Mardi Gras, ouais. Elle est fabuleuse. Elle est glauque. Avec le Henri Guibet qui se prend son sucre glace et tout machin. J'aime beaucoup le blues intestinal qui me rappelle Pas de papier water des Bidochon. Exactement. Bah, c'est une campagne jumelée pour le coup, comme on disait. C'est ça. Et le petit morceau, le Villette, pour moi, c'est du proto-François Pérusse. C'est ça. J'avais vraiment l'impression d'entendre un délire de Pérusse. C'est complètement ça. Donc, moi, j'aime beaucoup. Oui, alors, dans le prolongement, je vous conseille d'écouter Tout pour le fric, qui est sur le deuxième D'accord. album, qui est une très, très bonne chanson, d'une manière générale, sur comment faire de l'argent dans le milieu musical. C'est-à-dire, quand il y a Benny B qui tourne, faut faire du rap. Quand il y a ceci, il faut faire autre chose. Allez, jetez une oreille, c'est pas mal. D'accord. Mon nom à moi, c'est Benny B. Oui, tu l'as deviné. C'est ça. Mais tu vas pas nous parler de Benny B, là. Non, absolument pas. Je vais vous parler de Néné Cherry. Oui. Et son disque de 89, Raw Like Sushi, dont j'ai tiré le titre Manchild. Voilà. Alors donc, un joli vinyle que j'ai trouvé à Stockholm. D'ailleurs, ça tombe bien parce que j'ai découvert, je ne savais pas, que c'est une artiste suédoise. Si, si. Eh oui, comme Eagle Eye Cherry. Pour le coup, sa sœur. Eh oui. Voilà, et donc la fille de Don Cherry, qui était un trompettiste de jazz. Le présent disque, c'est son premier album. C'est un petit mélange funk, soul, un peu de rap. Pas trop. Juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut pour que ça m'aille, parce que ça m'agresse très rapidement. Donc là, je trouve que ça m'agresse pas. Ça va être ma madeleine de l'épisode, mais je trouve que c'est festif. C'est pas une manière de « je vais prendre le micro, je vais raconter comment ma vie c'est de la merde, et la police, machin, et truc, et c'est plus joyeux, ça donne envie de se bouger le cul, c'est plus positif. C'est du bon gros son qui fait bien bouger, et je trouve que ça marche bien, c'est un petit peu daté, mais pas... C'est daté dans le sens où la prod a un petit peu daté le disque, mais les morceaux, ils restent quand même très très bons. Hein. Moi, Manchild, je connaissais... parce que je l'ai entendu à l'époque. Et aussi Buffalo Stance, qui était aussi en single, et ça m'a vraiment fait plaisir de la retrouver, parce que c'est une chanson que j'avais vraiment bien aimée et que j'écoute rarement. Alors moi, c'est ça que j'avais noté, c'est effectivement qu'elle a un petit peu amené le rap au féminin, parce que de mémoire, il ne devait pas y avoir beaucoup de femmes dans le monde du rap à cette époque-là. Et au niveau du rap, elle se débrouille vachement bien, il y a un super bon flow, et comme tu dis... Elle en abuse pas, c'est-à-dire que c'est pas un album que de rap. Elle va avoir un ou deux couplets rappés, mais le reste, après, ça va être bien chanté. Et surtout qu'elle chante bien. Ça va être plein fluide. Ouais, elle chante super bien. Et moi, ce que j'avais noté surtout, c'est que c'est une artiste qui est vraiment sous-exposée à la vue du talent qu'elle a montré sur cet album-là et qu'elle va montrer aussi sur les quelques années suivantes. Et c'est dommage qu'elle soit pas autant sous les projecteurs que d'autres, je trouve. Parce qu'elle avait vraiment du talent et je trouve que cet album est vraiment très bon. Alors, en fait, il était fait petite mention sur la fiche wiki qu'elle est atteinte de la maladie de Lyme. Ah oui, oui. Donc ça l'a un petit peu ralenti dans ses activités. D'accord. Donc je ne sais pas si ça explique le fait que... parce qu'elle continue à sortir quelques collaborations que je n'ai pas écoutées pour le coup. Alors si, elle a fait un titre avec Gorillaz sur Demon Days, sur leur deuxième album. Mais plus récemment, elle a des choses qui sont sorties. Ouais. Je ne sais pas ce que ça vaut. Mais effectivement, en termes d'album solo... En fait, elle en a fait que 3, donc c'était vite. C'est peu. On n'a pas eu un album complet depuis 96, donc ça fait 20 ans cette affaire, hein. Donc ça fait 20 ans. C'est dommage parce que voilà quoi, elle chante bien, elle a des bonnes chansons, et on a tendance à avoir un peu l'arbre qui cache la forêt, qui fait beaucoup de sentiments. Mm-hmm. Mais il n'y a pas que ça, ouais. Et ça vaut vraiment le coup. Et non, c'est bien, puis ça marche bien en vinyle aussi, quoi. Ouais, alors sur cet album-là, on va faire un petit clin d'œil à Mika, parce qu'il y a quand même Robert Denager, hein, qui met sa patte sur Mindchild, donc voilà quoi. C'est formidable. C'est formidable. Ok. Alors, là, après, on attaque les 9. Ouais, 9 rééditions. Donc là, cette fois-ci, tu abandonnes le rock et tu passes à la pop. Hein. Ouais, alors, ça rejoint un peu le même chapitre que les Ramones dans mes piliers musicaux, puisque j'ai choisi de vous parler des Smiths, hein, avec l'album Hatful of Hollow et le titre What Difference Does It Make. C'était les Smiths, What Difference Does It Make? Alors, c'est extrait de l'album de 1984, Hatful of Hollow, qui est sorti peu de temps après leur premier album studio, en fait. Et ça reprend des enregistrements qu'ils avaient fait à l'époque pour différentes émissions de la BBC, notamment les John Peel Sessions dont j'ai parlé précédemment. Et donc, la petite particularité de la chose, c'est que certains morceaux ont même été enregistrés avant qu'ils passent en studio, donc les morceaux ont un petit peu évolué par la suite. Alors, pourquoi j'ai choisi les Smiths? Ça rejoint énormément ce que j'ai dit sur les Ramones, c'est-à-dire que beaucoup de groupes des années 90 en pop anglaise disaient « Ouais, nous on a écouté les Smiths, on a écouté Morrissey ». Les Smiths ont eu une carrière donc très très courte, puisqu'elle a duré, je crois, de mémoire 4 ans. Ils ont sorti assez peu d'albums dans la formation à 4, mais ils ont marqué la pop anglaise de cette époque-là, à savoir qu'elle sortait tout juste de la Cold Wave, Cure, Depeche Mode. Enfin, il y avait toujours ce courant-là qui poussait beaucoup en Angleterre. Et les Smiths sont venus justement, eux, sans synthétiseur, et vraiment avec basse, batterie, guitare, chant, et surtout avec un chanteur qui était très charismatique et qui l'est toujours, avec des compositions donc très personnelles, on va dire, très romanesques, romantiques, je sais pas trop comment les qualifier. C'est vraiment un album que j'adore justement pour le côté un peu brut de la chose. Les productions après, elles vont être un petit peu améliorées, donc bien produites en studio, et là on retrouve un petit peu une énergie brute du groupe. Voilà, moi je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi c'est un pilier de ma, on va dire, de mon background musical. Bah en fait j'ai du mal. Ouais, je comprends. Moi j'aime beaucoup la prod, il y a plein de choses qui me plaisent, je peux écouter une chanson, si ce n'est qu'il y a vraiment un truc qui me pose beaucoup de problèmes, c'est que les chansons qu'ils écrivent, je sais pas si c'est juste Morrissey ou s'ils sont... C'est juste Morrissey en fait. La musique c'est Johnny Marr. Quand même, ouais, donc, musicalement la structure mélodique des chansons ne me parle absolument pas. Mm-hmm. Ça n'a ni queue ni tête, et pourtant je peux écouter les trucs qui ont ni queue ni tête, c'est bizarroïde, hein, mais j'avoue que dans ce format qui est quand même pas un format pop, c'est les chansons qui durent 2-3 minutes, le truc où arrivé au milieu de la chanson, je ne me souviens même plus à quoi ressemblait le début, je m'y perds quoi, mais complètement, et après écoute de l'album et réécoute de l'album, je me suis demandé si en fait le véritable but du groupe c'était pas juste de passer les textes, et je me demandais si en fait ce qui avait marqué les gens c'était pas juste les textes, mais c'est peut-être pas que ça. Alors aucune idée vraiment, bon il y a quand même quand tu parles de Morrissey c'est pas lui qui se fouettait avec des glaïeuls à moitié à poil sur scène, il me semble. Je pense que ça a dû lui arriver. Si c'était pas avec des glaïeuls, c'était avec autre chose. Il me semble avoir entendu quelque chose de... C'est bien possible. Je sais que ça représente un truc, que c'est vraiment quelque chose d'iconique dans les années 80. C'est iconique, ouais. Mais j'arrive pas à voir quoi. Sauf les textes, où si effectivement il exprime une espèce de mal-être, de déprime, de rejet de la société, de rejet de lui-même d'une certaine manière, et que ça a pu parler à des jeunes en phase pré-suicidaire. Mais à part ça, voilà, ça serait un tout petit poil plus mélodique et il chanterait un tout petit peu moins en se triturant les boules. Ça serait bien, enfin moi je rentrerais plus dedans. Sans mauvais jeu de mots. Alors écoute, ouais, c'était pas un mauvais jeu de mots, mais c'est... Mais écoute Vox Alanaï, tu y trouveras ton compte. Je tente. Ouais, tentera, tu tentes le coup. Je te donne un morceau, Now My Heart Is Full, et il est pas mal. D'accord, ouais. Je te dirai ça. On passe à ton choix, donc en LP ou CD 9. Oui, c'est ça, bah pour le coup, ça sera les deux. Et là, je pense que ça va être un truc qui va pas t'avoir plu. Je te laisse en parler. C'est le, en fait, il y en a qu'un, c'est le album de Bobby Martin qui s'appelle Bobby Martin avec Bobby Martin. Et qu'est-ce qu'il fait Bobby Martin sur cet album? Il chante et je sais pas, il doit faire du saxo parce que c'est un saxophoniste à la basse. Tout s'explique. Et j'ai sélectionné Show Me the Light. Hein. Voilà. Okay. Je ne connaissais absolument pas le monsieur et en fait j'ai trouvé le disque chez Gibert il y a à peine un mois. Ça trônait comme ça à l'entrée du magasin, il avait une petite pile avec un joli sticker et déjà le truc qui attire tout de suite mon œil, c'était marqué AOR Masterpiece et là... Parce que bon, AOR ou West Coast, si on préfère, hein, c'est la même chose. Mm-hmm. C'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mm-hmm. Je sais que ça fait fuir le rocker moyen, mais les trucs type bah, justement Fleetwood Mac, Christopher Cross, Michael McDonald, les Doobie Brothers, Steely Dan, tout ça. Ouais. Je suis très, très, très fan. Ça m'empêche pas d'écouter Alice Cooper, mais j'aime beaucoup cette musique-là. Et bon, là, ça m'a quand même donné envie. En plus, sur le sticker était marqué qu'il avait travaillé avec, excusez du peu, Zappa, Paul McCartney, Stevie Nicks et Michael McDonald. Je me suis dit que ça valait le coup de tenter. Bon CV. Et en fait, eh ben, j'ai pris le disque donc LP plus CD. Je me suis mis ça en rentrant sur ma petite platine. Et effectivement, on a affaire à un vrai bon disque. Alors, vraiment, c'est le maître étalon du disque de West Coast en 83. Enfin, voilà, il est... 24 carats, si on aime ce type de musique. Oui, voilà. faut aimer ce type de musique, voilà. Je confirme. Mais je savais avant. Bah, alors, en fait, quand tu m'as envoyé ta sélection, dès que j'ai vu la pochette, j'ai senti le piège. Sans blague. Non, sérieux. J'ai vu la pochette et là, j'ai fait « Ah là là, Wizzy m'a trouvé un truc, mais j'osais même pas appuyer sur play, quoi. » Alors, quand tu m'as dit « Il fait du saxo », alors j'ai repris mes notes et j'ai dit « Ah ouais !» Parce qu'en fait, du saxo, des violons, ça dégouline partout. Alors j'ai eu énormément de mal à l'écouter en une fois. Je pense que j'ai dû faire une pause à peu près à mi-parcours parce que c'était compliqué. Je trouvais vraiment que c'était trop guimauve pour moi. Ah, je suis pas étonné. Mais bon, moi il y a quand même le morceau « Years of Trying » qui sonne un tout petit peu plus disco. Et j'ai trouvé que c'était sympathique et je trouvais que c'est bien fait. Mais dans l'ensemble, le disque, ça a quand même été difficile. Ça n'était pas dirigé contre toi, voilà. Je sais bien, mais si tu veux, autant dans une précédente sélection, il y avait des choses qui étaient vraiment en marge, mais qui me parlaient et qui titillaient ma curiosité, autant là, Bobby Martin... Il m'a pas titillé du tout. Allez, chacun son tour, parce que maintenant on va attaquer les hors-sujets et tu nous as sélectionné un disque. Alors, si tu dis chacun son tour, c'est que t'as pas aimé. Je ne dis rien pour le moment. Alors oui, donc au niveau du hors-sujet, j'ai choisi donc Loyal Carner et Yesterday's Gone qui est sorti en début d'année. J'ai choisi en extrait Damsel Fly. Jumping is for free, jumping on them freestyles. I be wild, moving brains, see now. It's so sunset, it's beautiful, it's one guess. One morning, afternoon in that sundress. The summer flies by, every morning, I'm still yawning. Same conversation, never boring. Yo, she texted, she's done. Oh, that's Tomo. Oh, for fuck's sake. I know that these days are feeling cold. My love could take her home as if we never Donc c'était Loyal Carner, Damsels Fly, et donc c'est un album que j'ai découvert justement par une chronique de Rebecca Manzoni, donc sur France Inter, qui en disait beaucoup de bien, et j'ai acheté le vinyle à la sortie, et moi je trouve que c'est un bon album. Dans l'ensemble je suis pas très rap, mais là je trouve que ça a le mérite d'amener quand même des orchestrations qui sont bien faites. On n'est pas dans le hip-hop bling bling US, un peu outrancier, là je trouve que c'est assez fin. Alors je sais pas ce que tu vas en penser, mais moi j'ai trouvé vraiment que c'était surtout les orchestrations qui m'ont attiré vers cet album. Après au niveau du flow, je trouve que c'est bien, il a une manière d'amener les choses qui est très très fluide, très douce. Moi c'est un disque que j'aime bien écouter quand je rentre du boulot où la journée a été un petit peu casse-bonbon, on va dire. Tu mets ça, c'est calme, après une journée un peu dure, ça passe très très bien. Après je sais pas ce que t'en dis. Au premier truc, je me dis tiens, il y a de l'idée musicalement. Mm-hmm. Ça commence pas trop mal. Et puis justement là pour le coup, c'est le flow moi qui m'a complètement cassé le truc. Oh dommage. Je trouve qu'il est complètement contemporain quoi. C'est morgueux je trouve. Je crois que c'est vraiment le terme. Mm-hmm. Il y a vraiment un côté j'ai beaucoup souffert, mais je t'emmerde et de toute façon, je suis mieux que toi connard. C'est complètement ça, c'est le truc, je te regarde de haut en faisant la gueule. Oh. Ça m'a pas plu pour ça, tu vois ce que ouais, je veux dire. Alors pour autant c'est doux, ouais, c'est pas un ouais. truc où il se met à hurler dans son micro en mâchant tout ça, mm-hmm. genre, la police, ouais, ouais. l'Europe, non ça c'était De Gaulle. On a l'impression qu'il surjoue le côté où sa mère a glissé sur une peau de banane, il a loupé son examen et puis machin, mais de toute façon il s'en fout parce qu'il est mieux que toi quoi. Et ça m'a pas plu pour ça quoi. Et c'est dommage parce qu'il y a quand même de la recherche, il y a une recherche qui est pas inintéressante musicalement dessus. Voilà, ça part tout la balle au centre. Non. Le seul truc à sa décharge, c'est que c'est un jeune musicien, donc il a toute sa carrière pour faire mieux, on va dire, pour te surprendre encore. Et c'est tout à fait possible. J'avais noté surtout une intro, l'intro de Mill in the Morning, avec juste guitare et un petit clavier. Et j'ai trouvé que c'était un chouette cocon pour ce qu'il faisait. Donc il a une grosse vingtaine d'années, je crois qu'il doit avoir 22, 23 ans. Donc c'est tout début de carrière, il est anglais. Donc voilà. C'était donc Loyal Carner, Yesterday's Gone. On va passer à ton choix. La dernière disque de la sélection. Oui. C'est un disque de 2015 d'un monsieur qui s'appelle Chassol. Et le disque s'appelle Big Sun. Mm-hmm. Donc c'est français, hein, contrairement à ce que son nom n'indique pas. Et en fait, pour l'explication derrière, je mets deux extraits. Je vais faire des extraits plus courts. Un tout petit extrait de Birds 2 mm-hmm. et ensuite un extrait de Reich et Darwin. C'est un compositeur français qui est né en 1976, donc c'est un collègue. Une bonne année. Voilà, bah oui. Qui a travaillé avec Phoenix et avec Sébastien Tellier et qui est produit par l'excellentissime label Tricatel de Bertrand Burgala. Oui. Que j'adore. C'est ça qui m'a donné envie de jeter une oreille justement à l'album. Ça m'a été proposé en suggestion par Deezer et puis quand j'ai vu que c'était Tricatel, je me suis dit bon, ça doit être bon. C'est toujours un bon sticker sur une jaquette. Ouais. Et en fait, ce qu'il fait, il appelle ça de l'ultra-score. Ouais. Alors justement, qu'est-ce que c'est l'ultra-score ? Eh ben, j'ai pas cherché sa définition si jamais il en met une, mm-hmm. mais pour moi, c'est un peu de la musique concrète 2.0. Ouais. Je trouve qu'il y a une parenté avec les débuts de la musique concrète, les Pierre mm-hmm. Schaeffer, les Pierre-Henri tout ça, parce qu'il va travailler en tout cas sur ce disque là, mais c'est pas le seul, sur du son, sur des prises de son qu'il va faire. Il va enregistrer la nature, mmh. typiquement l'exemple que j'ai pris c'est des chants d'oiseaux. Il va travailler du bruit, il va travailler des percussions. Il y a toute une séquence du disque qui est dans un carnaval mmh. où il est vraiment très bien. Il enregistre des mots, il enregistre des phrases, des gens qui sifflent. Pour moi c'est vraiment de la musique concrète au sens propre, sur laquelle il va aller rajouter une mélodie. C'est-à-dire qu'il va trouver le rythme du son qu'il a capté, comme par exemple le chant des oiseaux, et il va mettre des notes par-dessus. Et il va suivre le chant de l'oiseau. Et il va suivre le chant de l'oiseau, et ça va donner le rythme, et ensuite, à partir de ce moment-là, il boucle, et ça fait une musique avec, entre guillemets, trois fois rien, mais ça crée un univers complètement différent, et ça m'a sidéré. Franchement, c'est tellement original, j'avais jamais entendu un truc pareil. Je sais pas ce que ça t'a suscité comme réaction. Bah moi j'ai eu des très très bonnes réactions suite à ce disque. Ça peut quand même forcément déstabiliser l'auditeur parce que c'est un petit peu particulier donc comme approche musicale, mais on n'est pas là uniquement pour parler du 1, 2, 3, 4, boum boum. Et je trouve que son approche, elle est vraiment très bonne parce que, bon, des mecs qui vont choper des bruits dans la nature ou je pense pas que ce soit le premier, mais je trouve que chaque idée qu'il va chercher, bah, l'idée d'aller enregistrer des oiseaux et après de refaire la mélodie au piano, elle est bonne. Et je trouve que sur aucun de ses essais ou de ses expérimentations, on peut appeler ça comme on veut, il est longuet. Les morceaux sont assez courts. Il va avoir une thématique, notamment comme tu parlais sur le carnaval, où moi, bizarrement, il y a un morceau, je me dis, waouh, celui-là, il est rigolo. Et je regarde le titre, c'était Quepon. Donc, bon, forcément, je me dis, là, il y a un signe. Mais tous les quatre morceaux qu'il fait sur le carnaval, ils sont intéressants à écouter et ils sont assez courts. Je trouve que l'idée et le travail qu'il fait dessus, c'est vraiment super intéressant, quoi. C'est vraiment une belle création. Et c'est encore heureux qu'il y ait des disques de cette trempe-là qui puissent sortir, après que ce soit sur des labels un petit peu plus confidentiel que d'autres, c'est discutable, mais au moins qu'un artiste comme ça puisse travailler et sortir des disques, pour moi, rien que ça, c'est une bonne satisfaction. Pour le coup, c'est quand même très, très, très rare, ça m'est vraiment presque jamais arrivé. J'ai trouvé l'album sur Deezer, j'ai écouté le disque le matin, et je quitte le bureau, je vais chez Gibert et j'achète le disque. Ouais, ouais. Eh bien donc, je pense que ça nous amène à la fin de l'émission, cher monsieur Murdoch. Oui. Donc, on va se quitter en écoutant... Eh ben, tiens, ben je voilà. Pense que ça sera une bonne idée. Ouais, hein. Ça donne une petite banane pour repartir. Puis ben, on vous donne rendez-vous sur les autres programmes de It Is le podcast. Il va y en avoir d'autres encore. Et puis rendez-vous au prochain Manche Disque. Et sur ce, nous vous souhaitons une agréable fin de journée. Enfin voilà, comme on dit habituellement. Comme dirait Bernard Lenoir, caressez bis à l'œil. D'accord, je note. C'est formidable. À bientôt. Ciao. Salut. Soudain plus léger, c'est comme un frisson qui vous pénètre. Il y a quelque chose de changé. Oh tiens, tiens, tiens, déjà les feuilles poussent. Tiens, tiens, tiens, ça sent le romarin. Dans les jardins, les lilas se trémoussent et les petites pommes ont déjà leurs pépins. Tiens, tiens, tiens, les chiens lèvent leurs pattes. Tiens, tiens, tiens, les pans sur les pantins. On voit les chasses pour les chiffres, pour les chattes et les escargots galopent à fond de train. Oh, quelle douceur! La vie vous semble rose, y'a pas d'erreur. Il se passe quelque chose. Tiens, tiens, tiens, on joue de la mandoline. Tiens, tiens, tiens, l'air s'emplit de refrains. Y'a des chansons sur les lèvres des copines et des petits boutons sur le nez des copains. Tiens, tiens, tiens, c'est le printemps qui vient. Tiens, tiens, tiens, les rues semblent en fête. Tiens, tiens, tiens, tout le monde est gamin. Les charcutiers ont des airs de poètes et tous les coiffeurs ont du poil dans la main. Tiens, tiens, tiens, soupirent les douanières. Tiens, tiens, tiens, c'est qui les pharmaciens. Même les pompiers ont le feu au derrière. Les requins au cou des bengals, les béguins. Les vieux gandins ont toutes les audaces. Mais il faut bien que vieillesse se brasse. Tiens, tiens, tiens, la gaieté me transporte. Tiens, tiens, tiens, je me sens des rien. Mais là soudain que l'on frappe à ma porte et je reconnais la voix que j'aime bien. Tiens, tiens, tiens, c'est le printemps qui vient.